Cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-thamin, le huitième fruit, min thamarat al-Iman, qala, al-thamin min thamarat al-Iman wa lawazimihi min al-A'mal al-Salihah, ما ذكره الله سبحانه بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. Et ça c'est une ثمرة عظيمة. أن ceux qui croient, الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ça nous montre أن الإيمان il a des لوازم. Celui qui croit, ça va impliquer des choses. S'il croit, il doit mettre en application. Et l'amal, ça fait partie de l'iman. Et celui qui a un iman, plus son iman il est élevé, plus sa foi est élevée, plus il mettra en application. Al-wud, c'est le mahabba. Allah subhanahu wa ta'ala, il les aimera. Allah subhanahu wa ta'ala il aime les croyants. Wa yaj'al lahum al-mahabba fi qulub al-mu'minin. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il mettra de l'amour dans les cœurs des croyants pour ce mu'min, pour ce croyant. تقدم معنا الحديث في الصحيحين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل. Quand Allah il aime un abd, il dit à Jibril إن الله يحب فلان فأحببه. Allah il aime un tel parmi les croyants, aime-le. Fa yuhibbuhu Jibril, Jibril illa. Fa yunadi Jibril fi ahli as-sama, inna Allah yuhibbu fulanan, fa ahibbuhu. Thumma Jibril yunadi fi as-sama, il lance un appel fi as-sama et il dit Allah subhanahu wa ta'ala il aime un tel parmi les croyants ou les croyantes. Fa ahibbuhu, aimez-le. Fa yuhibbuhu ahli as-sama. Tous les anges qui sont dans les cieux, ils aiment ce mu'min ou cette mu'mina. ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض أي عند أهل الحق والصلاح عند المؤمنين. Les croyants ils aimeront cet homme في الله. C'est pour ça que tu trouves من المؤمنين خاصة الصالحين من العلماء etc. Tu trouves بعضهم les croyants ils les aiment. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لهم القبول في الأرض par rapport aux efforts qu'ils font, par rapport à leur foi. قال ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح. هذا إن يكن. Celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et il est aimé par ses frères croyants, هذا il aura السعادة والفلاح, le bonheur et la réussite. قال والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء إلى حي وميت والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. Amma si Allah subhanahu wa ta'ala il aime, il l'élèvera, il le guidera, il le préservera, il le protégera, il le secourra, il lui donnera, il le guidera. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, il possède tout, il fait ce qu'il veut. Et si Allah il aime ce mu'min ou cette mu'mina, et cette personne elle devient un min awliya illah, fala shak annahu il vivra le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et il fera partie de ceux qui ont réussi. كذلك des فوائد par rapport à si tes frères ils t'aiment. Et من هذه الفوائد الثناء والدعاء له حيا وميتا. لا شك أن quand les croyants ils aiment un de leurs frères, ils lui font du'a. حيا وميتا. C'est pour ça que tu trouves les croyants ils font beaucoup du'a pour الصحابة رضي الله عنهم, pour العلماء, pour الأئمة etc. Et dans du'a il y a d'énormes فوائد. C'est pour ça que Al-Mu'min, s'il est apprécié auprès de ses frères, et il est droit, et il est juste, et il a un bon comportement, et il met en application son din qabla dhalik, il a toutes les causes pour être heureux ici-bas et fil akhirah. Qal wal iqtida bi, al-iqtida ay le prendre comme modèle, le suivre. Wa husul al-imamati fi din. Al-iqtida bi, pas parce que c'est un tel là, parce que lui-même il suit le Nabi alayhi salatu wasalam. Fa matalan les savants, pour nous, c'est des modèles. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent mieux que nous la voix du prophète, alayhi salatu wasalam. Wa illa, si on s'aperçoit qu'ils se sont trompés dans une mas'ala et on sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait autre, on suivra un Nabi, alayhi salatu wasalam. Al-Uswa, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, ceux qui suivent Adam Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça devient eux-mêmes des guides pour les autres, des imams. قال وحصول الإمامة في الدين قال وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان et ça c'est un autre fruit أي, si le mu'min il fait des efforts في الإيمان وفي العلم et la mise en application et lui-même ça devient imam في الدين un guide pour les autres فلا شك أنه il va profiter de plusieurs choses قال أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق ça nous montre أن si tu veux atteindre ce niveau et que ta foi l'augmente et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes et tu deviens imam pour les autres. Imam huna, c'est pas l'imam du masjid là, c'est un sens beaucoup plus large. Un imam, l'imam du masjid, ça peut être un guide. Que fait ça là? Il peut ne pas avoir beaucoup d'ilm, il peut avoir beaucoup de manquements, il peut ne pas être apprécié. Il a akhiré. Lakin huna, l'imam, c'est imamatul ilm. Comme les savants, on dit l'imam Malik, l'imam Ahmed, on dit à notre époque l'imam Ibn Baz, l'imam Al-Albani, on dit l'imam Ibn Taymiyyah, haoula a'imma, des guides pour la umma. Qala, alladhina kamalu bi imanahum bil ilm wal amal. Donc c'est ces deux points si tu veux atteindre ce niveau, avec ad-du'a. Fais des efforts fil ilm, dans la science, et fais des efforts pour mettre en pratique. Et parmi la mise en pratique, c'est de propager hada al-ilm. قال ويجعلهم أئمة يهدون بأمره كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. Deux choses dans le verset. قال فبالصبر واليقين اللذين هما رأس مال الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. الصبر لأن هذا العلم والعمل qu'on a cité précédemment. Il faut de la patience. Celui qui ne patiente pas, il n'arrivera pas à avancer dans l'ilm. L'ilm, la science, pour devenir un imam, ce n'est pas une histoire de un jour, une semaine, un mois. C'est toute une vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à qui l'amal, ça demande de la patience. Les anna ha'oula al-a'imma, ils sont beaucoup éprouvés. Ils sont rejetés par certains, ils sont accusés. Ils sont... Ça demande de la patience. Fait comme minannas. Ils ont commencé jihad al-tariq. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Et ils n'ont pas réussi à tenir. Ils faisaient des efforts dans l'amal, ils faisaient des efforts dans la science. Et un jour, c'était difficile. Ils n'ont pas pu patienter, ils n'étaient pas prêts. Allahu alam l'intention. Allah y guide qui il veut. Ils n'ont pas pu s'accrocher. La bud min al-sabr. Et kadalik la bud min al-yaqin. L'yaqin, la certitude. La certitude, c'est un haut niveau fil iman. Falihada qala alladhayni huma ra'su mal al iman. Non, parmi les bases de l'iman, la patience et la certitude. Ama celui qui n'a pas la certitude, bel celui qui doute. Enfin, les doutes, ça contredit la foi. Celui qui doute sur l'existence d'Allah, celui qui doute sur l'existence des messagers, celui qui doute dans son din, enfin, le doute, ça contredit l'iman. Pourquoi? Parce que l'iman, c'est une conviction avec certitude. C'est ça l'iman. قال الذين هما رأس مال الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. هذا c'est pas pour tout le monde. وجعلنا منهم أئمة. الله سبحانه وتعالى il a guidé certains parmi les croyants, il a fait d'eux des imams. يهدون بأمرنا. Ce point on n'a pas cité et on le cite هنا يهدون بأمرنا. Ça montre qu'ils s'accrochent au din. لأن العلم c'est important. La patience, c'est important. L'yaqin, c'est important. L'yaqin, tout ça, ça doit être fondé sur Shar'ullah, sur l'iman, sur Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ba'd al-Nas, ils font des efforts dans l'ilm. Ils mettent en application certaines choses. Ils patientent, ils font des sacrifices. L'yaqin, ils suivent une secte. Yata'assabun al-Fulan. Et ils s'égarent. Falla bud min al-Suluk ala hada al-Tariq. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فاستقم كما أمرت لا بد من الاستقامة على دين الله faire des efforts dans la science mettre en application patienter avoir l'yaqin falhamdulillah celui qui a ces points ces sifat Allah subhanahu wa ta'ala il peut l'élever au niveau de imam fi din wal a'imma yatafawatun les imams ils sont pas tous au même degré مثلا إمامة Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est pas comme l'imama de certains savants qui n'ont pas atteint son niveau. Wa hakada. Fa ala kulli hal, fadlullah wasi' wa al-insan, il laisse pas shaytan huna lui faire croire que hada c'est pas pour lui. Shaytan ahyanan, il essaye de nous faire croire hada. On a tous ses efforts, etc. Khasatan ahyanan, tu peux avoir certains manquements, certaines difficultés, shaymina ta'b, de la fatigue, et tu penses que là, en fait, c'est pas pour toi, ou tu n'arriveras pas. Là, n'aie aucun doute, min al-yaqin, c'est que tu sois sûr, aucun doute, que Allah, il est capable de tout. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable de te faciliter, de te guider, de t'élever, de te donner, et tu deviens imam fi din. Wa'alam anna tous les imams fi din, tous les imams, les savants de notre communauté, madalan, si on garde cet exemple, ils sont nés comme toi, ignorants. Ils ne connaissaient rien, c'était des bébés comme toi. Enfant, il n'y avait aucune différence. Cheikh al-Islam, ça a été un bébé comme tout le monde. Rahimahullah. Il a joué comme tout le monde, il a arrivé à un certain âge, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé, c'est devenu un imam. Même si certains n'ont pas eu cette enfance à l'istiqama, etc., d'autres savants, ils ont commencé très très tard. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a guidés. Donc, à la kulli hal, faire des efforts. Et les efforts que tu fais, c'est pas perdu. L'insan, ça devient imam, ça devient savant, ça reste un talib ilm, ça reste un ami. Et il fait des efforts, il est à la khir, c'est ça l'essentiel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui veut. Lakin, on fait des efforts et on fait attention à talbisat al-shaytan. Qala tasi'an wa minha qawluhu ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. C'est la suite de la huitième. Celui qui fait des efforts fi al-iman wa al-ilm, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever. قال فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وكم من الناس ils essayent, ils cherchent des solutions pour être élevés, appréciés, etc. Et ils délaissent l'essentiel. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, il t'élève, il soit satisfait de toi, fais des efforts في العلم والعمل. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. La science et la foi et la mise en application et la science. قال انما نالوا هذه الرفعه بايمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم. Pourquoi ils ont atteint ce niveau avec des causes. Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. C'est certain. Allah subhanahu wa ta'ala il les élève plus que d'autres. C'est parce qu'ils ont fait des causes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Ils ont fait des causes. C'est quoi les causes? C'est l'iman. Ils ont donné du temps à Hada. Ils ont appris leur aqidah. Ils ont appris tawhid. Ils ont appris la foi. Ils ont appris leur aqidah. Ils ont mis en application. Kadalik, ils ont atteint le niveau de al-yaqin. Wal-ilm wal-yaqin min usul al-iman. Tout ma qal. Wal-ilm wal-yaqin min usul al-iman. C'est lié. قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا الإيمان لا شك أنه سلي avec le verset précédent. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين ça fait partie de l'Iman. Vu qu'ils ont l'Iman et ils ont l'Yaqin, c'est une cause, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. العلم فيه الخير فيه الخير كله. Tu veux le bien, Akhil Karim. Vous avez remarqué que souvent, ben, tout le temps, la base, c'est l'ilm. Fa'alam, annahu la ilaha illallah. Tu vas apprendre le tawhid, la base, c'est l'ilm. Tu vas apprendre ta foi, la base, c'est l'ilm. Tu veux œuvrer, la base, c'est l'ilm. Tu veux être élevé, la base, c'est l'ilm. Tu veux faire da'wa, la base, c'est l'ilm, c'est la science. Tu veux montrer aux autres, tu veux enseigner, c'est la base, c'est la science. La base, c'est had l'ilm. C'est pour ça que le premier verset que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu, c'est fait l'ilm. كما تقدم معنا dans notre étude de la biographie. اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا le premier verset lit l'ilm. La lecture c'est l'ilm. Notre dîn il est fondé sur l'ilm. Donc on doit donner des efforts. Et هذا العلم pour pouvoir en bénéficier, il y a une façon de faire. العلم. العلم c'est pas que la lecture. العلم c'est pas que la mémorisation. العلم c'est pas écouter faqat un tel, c'est pas ça l'ilm. L'ilm c'est un ensemble. العلم il faut des bases parmi les bases خاصة au départ avec la bonne attention etc donner du temps à la mémorisation علم بلا حفظ c'est pas du علم donner du temps mémoriser le Coran ou une partie du Coran chacun selon ses capacités mémoriser des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre niveau maintenant on commence par les 40 nawawi كذلك maîtriser un matn dans chaque matière c'est ça l'ilm tu auras du ilm dans tawhid si tu apprends kitab tawhid tu connaîtras ta aqida si tu apprends le wasitiya par cœur tu auras des adilla des preuves dans chaque bab pratiquement si tu apprends umdatul ahkam dans le fiqh dans l'udu dans salat dans zakat dans siyam dans hajj chaque bab tu auras des adilla min sahih al-bukhari ou sahih muslim c'est une ni'ma celui qui rajoute bulugh al-maram il n'y a aucun doute que chaque bab chaque mas'ala il aura un dalil وهكذا tu veux des bases dans mustalah al-hadith c'est important tu apprends le bayquniya ça va te donner des bases tayyiba dans le nahw tu apprends l'ajrumiya c'est ça l'ilm كذلك من العلم pour atteindre un bon niveau avec cette mémorisation comprendre ce que tu as mémorisé عند عالم من علماء السنة et si tu peux pas un savant de la sunna فعند طالب علم qui comprend هذه الامور et qui est à l'istiqama et qui va te faire profiter de ce qu'il a appris عند العلماء avec cette tariqa, tu es sincère. La patience, la régularité, bien sûr. Tu apprends ce que tu peux du Coran, ce que tu peux mina sunna, un matin dans chaque matière, et tu avances. Et tu donnes beaucoup d'importance à ulum al-ala, surtout au départ. La langue arabe, ceux qui sont arabophones, an-nahu, ceux qui ne sont pas arabophones, ils doivent apprendre à lire, à écrire, à parler, du vocabulaire. Et كذلك donner de l'importance au sarf, c'est très très important pour les non-arabophones. كذلك donner de l'importance au usul al-fiqh, al-qawa'id al-fiqhiyya, au usul al-tafsir. Tout ça, c'est des outils qui vont t'aider à comprendre ce ilm. Et avec ces outils et avec cette étude de la science, bi-idhnillahi azza wa jal, tu vas sortir min da'irat al-taqlid. Tu pourras comprendre kalam ahl al-ilm. Tu pourras comprendre pourquoi ce savant cite cette preuve. Pourquoi cette preuve. Elle est faible, elle n'est pas authentique. Voilà, kada. Amma, faqat lire certaines traductions, faqat écouter de temps en temps un dars, et ça s'arrête là. Là, al-ilm, kadalik, il faut énormément de temps. Après, par rapport au temps, on n'a pas tous le même temps. C'est pour ça que ceux qui font des efforts dans la science, ils ne sont pas tous au même niveau. Ala kulli hal, le temps, on en a. Tout le monde a du temps. Lakin, si ça devient une priorité, tu trouveras du temps. Sans délaisser les responsabilités. Le père de famille a des responsabilités, la mère de famille a des responsabilités. Enfin, si on arrive à comprendre cela, le mettre en application et à demander. Mais le mouhim, avant d'étudier l'ilm, avant de te lancer dans quelque chose, tu demandes. Comme un voyageur, s'il veut voyager, il doit connaître le tariq. Enfin, l'ilm, c'est une certaine méthodologie à connaître. Tu trouves le bar pendant un mois, deux mois, trois mois, il s'isole, il fait des choses tout seul. Et à la fin, quand il se renseigne, en fait, ce qu'il faisait, c'était pas trop ou très profitable. Maintenant, ce qu'il a fait en trois mois, s'il aurait pris un conseil, il aurait écouté, il aurait demandé, peut-être ce qu'il a fait en trois mois, il le fait en trois jours. L'ilm, c'est très très simple si tu es organisé. Et on a expliqué, dans plusieurs durous, la méthodologie, c'est un rappel, les nafsi ou les ikhwani, donnez beaucoup d'importance à ça. Pourquoi ? Parce que l'ilm, c'est la clé. Celui qui est sincère et son objectif, c'est de mettre en application, c'est exactement les deux points que Shir Saadi, il a cité. On a le huitième et le neuvième. Thumma qala al-ashir wa min thamarat al-iman husul al-bishara bi karamat Allah wal amn at-tam min jami' al-wujuh. Al-bishara bi karamat Allah. C'est que Al-Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé la bonne nouvelle. Al-Amn al-Tam, Al-Amn c'est la sécurité. Maintenant on dit ce pays fihi amn, et il n'y a pas de guerre, il y a la paix, la sécurité, la stabilité, etc. Al-Mu'min il aura ces deux choses, Bishara wa Amn. Comme a dit Allah ta'ala wa bashiril mu'minin. فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل. Vous avez remarqué que dans ce verset وبشر المؤمنين, et c'est plusieurs fois dans le Coran ce verset وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. أحيانا Allah سبحانه وتعالى il a pas cité البشرى et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Et Allah il cite pas c'est quoi cette nouvelle? Telle chose, telle chose. أحيانا c'est cité comme ça. On commence par le début. Wa bashir al-mu'minin fa atlaqaha. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset min surat al-Baqara qal wa bashir al-mu'minin, sans citer cette bouchra, cette bonne nouvelle, et annonce-leur la bonne nouvelle. Et ils ne l'ont pas annoncé. Pourquoi? Li'anna, cette bonne nouvelle, c'est le bien. Le bien avec tout ce que ça renferme. Al-ajil wal-ajil. Et le bien sur terre tant que tu es vivant et le bien après ta mort. Et la satisfaction d'Allah, la récompense, il te pardonne, il t'élève en degré, il te donne ce que tu veux. Il a akhri. Ça englobe tout le bien. وَقَيِّدَهَا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dans ce verset min surat al-Baqara, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala قَالُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Il a cité, عَزَّ وَجَلْ هَذِهِ Al-Bushra. Il a cité cette récompense. C'est quoi la récompense? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allez, annonce-leur la bonne nouvelle qu'ils auront un paradis, etc. Qala falahum al-bishara al-mutlaqa wal-muqayyada. Donc, ils auront les deux. Ou le croyant, il a les deux. Al-bishara, la bonne nouvelle, mutlaqa. Elle s'englobe tout le bien. Et al-muqayyada, le paradis, etc. Et al-muqayyada, celle qui est spécifiée, elle rentre dans celle qui n'a pas été spécifiée. Qala. ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ils ont المؤمن إلى الأمن المطلق أي الأمن concernant tous les domaines ici bas dans l'au-delà dans son din etc. قال ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنفع عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم وبذلك يتم لهم الأمن. أي الأمن par rapport à l'avenir et des choses qui font peur ici bas et dans l'au-delà. Enfin, le croyant il aura l'أمن, il sera en sécurité. والحزن, la tristesse par rapport à ce qui est passé, des choses qui sont passées. Et ça te rend triste et هذا الامن il est pas présent. فالمؤمن il aura les deux. قال فالمؤمن له الامن التام في الدنيا والاخره امن من سخط الله وعقابه. Le croyant, قال عز وجل وبشر المؤمنين, il aura هذا الامن التام في الدنيا والاخره. L'au-delà, قال, ou plutôt dans l'au-delà, dans le dunya et l'au-delà, قال امن من سخط الله وعقابه. اولا, il sera préservé de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. L'Ian al-Am, celui qui est menacé, qui se fait châtier, etc. Il n'est pas fait Am, il n'est pas en sécurité. Bel, il est fait adab, il se fait châtier. قال وأمن من جميع المكاره والشرور. كذلك, il sera préservé de tous les maux, tout ce qui peut le déranger ou lui nuire. وله البشارة التامة بكل خير. Bel, tout le bien. وبشر المؤمنين. كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ici-bas et dans l'au-delà. Vous avez remarqué que tout cela, c'est avec des conditions. Ta'ammal, qawlu azza wa jal, wa bashir alladhina amanu wa amilu s-salihat. C'est pas une simple prétention. Là, c'est pas une couleur de peau, une origine. Wa bashir alladhina amanu wa amilu s-salihat. Donc, ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle, ceux qui ont cru, qui mettent en application. Le deuxième verset, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Ils ont cru et ils se sont écartés de ce qui contredit هذا الإيمان, الشرك, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième verset, فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحْ. La croyance, la bonne croyance, l'Iman, la foi, وَأَصْلَحْ. L'Islah, c'est le fait de se réformer, faire des efforts. Le quatrième verset qu'il a cité, قالوا ويوضح هذه البشارة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Vous avez remarqué dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux. أولا, il a cité الأوصاف, les caractéristiques pour profiter de ce fruit. إن الذين قالوا ربنا الله. Ils ont la foi et l'affirment. Notre Rabb, c'est Allah, c'est notre Créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. Et ensuite, ils suivent le droit chemin. Ça montre que ce n'est pas qu'un qawl. Ce n'est pas comme ils disent al-munharifun, c'est dans le cœur. Là, c'est dans le cœur, al-iman. C'est des œuvres, une mise en application, وعملوا الصالحات، هذا البرومي فيرسي. اي كذلك سي قول، سي ان باول، ان الذين قالوا ربنا الله، هؤلاء قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الأمن، ils auront la paix, la sécurité. Les anges leur annonceront. N'ayez pas peur, ne craignez personne. ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم. وأبشروا، la bonne nouvelle, elle leur sera annoncée. بالجنة، la bonne nouvelle du paradis. فهذا ça nous montre, et on le répète, on doit faire des efforts. On n'est pas tous au même niveau par rapport à la foi. Le Amn, il y a plusieurs degrés. La paix, la sécurité. Akad al-Bishara, on n'est pas tous au même niveau. Fil Jannah, il y a différents degrés. Donc on doit faire des efforts. On doit faire attention à Shaitan. Faire attention à Shaitan, il fait croire à certains, khala, je suis un mu'min, comme si c'était quelque chose d'acquis, quelque chose qui ne pouvait pas disparaître, comme si c'était, khala, c'est plié, c'est gagné, et il va mourir à l'hada. تأمل قول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الأعمال بالخواتيم. L'essentiel c'est de mourir على هذا. أما الغرور et penser que c'est déjà gagné, أن الإنسان il a la foi dans le cœur, ثم il fait ce qu'il veut. فمثل هؤلاء ils sont pas à l'abri. Ils sont pas à l'abri. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. La sincérité, la véracité. Et celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend du plaisir à adorer Allah azza wa jalla et à suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma tu trouves, Rabadi dit, on a l'iman, on a le cœur blanc, on aime Allah, on aime le prophète, et tu les trouves bid'a wa khurafat, et tu les trouves, ils sont très très loin du din. Très très loin du din. Enfin, si tu aimes din, pourquoi tu ne le mets pas en application? La mise en application, c'est par rapport à l'mahabba. C'est pour ça que, ahlul ilm yaqulun anna, une des bases de l'iman, c'est le mahabba. Si tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et tu as un amour très très fort, là, chaque ça se verra. Ça se verra dans tes paroles et dans ta mise en application. قال عز وجل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هنا الله سبحانه وتعالى il a détaillé البشرى dans l'au-delà. Le paradis. Et kadalik, vous aurez ce que vous voulez. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, au paradis, vous aurez ce que vous désirez. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafur ar-rahim. Qui c'est qui a donné cette place, cette manzila à ce abd? C'est Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Qala farattaba 'ala al-iman حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته. Dans ce verset, et ça c'est une autre bouchra, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux croyants, يا أيها الذين آمنوا, نعم, يا أيها الذين آمنوا, اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. Si vous craignez Allah et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, تحقيق الإيمان والتقوى, Allah vous donnera un nour, cette lumière. تمشون به. Cette lumière, ça fait partie des fruits de l'Iman, Kadalik. Il ne l'a pas cité dans un point à part. Là, il l'a cité avec Al-Bishara. Na'am. Ibn al-Ana, c'est une bouchra, c'est une bonne nouvelle pour le croyant. Cheikh Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il a expliqué, قَوْلُهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, cette lumière, قَالَ أَيْ يُعْطِيكُمْ عِلْمًا وَهُدًا وَنُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnera cette lumière et de la science. Il y en a l'ignorance, c'est l'obscurité. La science, c'est la lumière. Il vous donnera cette lumière et de la science. Il vous guidera et vous serez guidé avec cette lumière au milieu de cette ignorance. Ça, c'est fait dunya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit et qui fait des bonnes œuvres, il lui donnera cette lumière. Ici-bas. قَالَ فَرَتَّبَ عَلَى الْإِيمَانِ حُصُولَ الثَّوَابِ المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة. Celui qui fait des efforts pour حقق الإيمان, Allah lui donnera un nour, cette lumière ici-bas, et كذلك lui donnera une lumière dans l'au-delà. قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ce jour-là, quand les kuffars seront voués à l'enfer et seront jetés dans le feu. Taqaddam ma'ana dans les étapes de l'au-delà, à un moment donné, il restera les croyants et les hypocrites. Les hypocrites, ils seront encore présents, les malades, les noms, ils font apparaître l'iman. Vu que les hypocrites, on parle de la grande hypocrisie, c'est des mécréants au fond d'eux, et ils ont fait croire aux croyants ici-bas que c'était des croyants, et ils ont profité de certaines choses ici-bas, vu qu'ils vivaient avec les croyants. Yawm al-Qiyamah, quand ils auront besoin de cette lumière, ils seront plongés dans l'obscurité. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما les croyants qui avaient la lumière ici-bas et qui étaient sincères, ils auront toujours cette lumière dans l'au-delà. فما بالك celui qui se retrouve dans un endroit sans lumière, dans l'obscurité, avec la peur, avec le châtiment, avec les menaces, etc. حال الكفار والمنافقين يوم القيامة نسأل الله العافية. Et dunya, si tu te retrouves dans un endroit obscur, tu fais tout pour trouver de la lumière. Alors que tu peux être dans un endroit stable, en paix, en sécurité, lakin, l'être humain, il n'aime pas l'obscurité, sauf si c'est pour dormir, etc. Et là, quand tu es réveillé, il te faut de la lumière. Et tu as besoin et tu recherches cette lumière. On doit faire des efforts pour acquérir cette lumière ici-bas et pour en profiter yawm al-qiyamah. Et yawm al-qiyamah, c'est un, comme قال عز وجل, yawm al-asir. C'est un jour très très difficile. Et ça nous montre à ce jour, il se prépare. Il se prépare comment ? Il se prépare en faisant des efforts fi ad-dunya. Celui qui emprunte as-sirat al-mustaqim fi ad-dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera à as-sirat yawm al-qiyamah. Il réussira à franchir le sirat bi-idhnillah. Et celui qui franchit le sirat, il ira au paradis, il n'y a aucun doute. Celui qui fait des efforts pour avoir ce nour, et la science, et la mise en application ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera cette lumière, yawm al-qiyamah, quand l'être humain en aura le plus besoin. Ça nous montre ces récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala, al-hakim, al-kerim, il a légiféré des causes pour pouvoir en profiter. Parce qu'il est juste. Et négliger ses causes, c'est al-halak. Qala fal mu'min man yamshi fi ad-dunya bi nur 'ilmihi wa imanihi wa idha utfi'at al-anwar yawm al-qiyamah masha bi nurihi 'ala as-sirat hatta yajuz bihi ila dar al-karama wa an-na'im. Lena, on a récité le verset, on n'a pas le temps de tout réciter avec tous les versets de sourate al-hadid avec les munafiqin. Lakin 'ala kulli hal, à un moment donné, il y aura de l'obscurité, il ne restera plus que les croyants avec leur lumière. Et les munafiqun, ils demanderont aux croyants une part de leur lumière. Il a enfin, on doit penser à ce jour. Quand tout le monde sera plongé dans l'obscurité, yawm al-qiyamah, et le croyant qui a fait des efforts aura cette lumière, et ça sera une cause pour qu'il puisse pouvoir traverser as-sirat. Et atteindre dar al-karam, la demeure éternelle. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتِهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. On doit faire des sacrifices فقط في الدنيا, nous, et patienter. وَإِلَّا فَالْحَمْدُلَّهِ si on patiente, c'est une histoire de quelques jours, ya ikhwan. مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. L'un de nous, il peut mourir dans quelques jours, dans quelques heures. Le maximum pour chacun de nous, c'est quelques années encore. Comment ça s'arrêtera si on prépare هَذِهِ الدَّرْ. Si on prépare cette demeure et on patiente et on s'accroche, on aura ce qu'on veut, yawm al-qiyamah. Et on sera fi amn mutlaq. Plus d'angoisse, plus de tristesse, plus de maladie, plus de douleur. Tu profites faqat éternellement. Qala rahimahullah, wa kadhalika rattaba al-maghfira 'ala al-iman. Wa man ghufirat sayyi'atuhu salima min al-'iqab wa nala a'zam al-thawab. Na'am. Wallahu ghafurur rahim. أو قوله لكم نورا نعم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. Et كما قال الشيخ سعدي, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala نعم, il pardonne ses péchés, فلا شك أنه نال أعظم الثواب. S'il a plus de péchés, donc il ne se fait pas châtier. Allah il lui a pardonné. Et s'il ne se fait pas châtier, c'est qu'il sera récompensé. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل. نعم، من ثمرات الإيمان حصول الفلاح. أولئك الذين أو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمؤمنون الله سبحانه وتعالى il a informé أن سهم المفلحون، c'est eux qui ont réussi. Et là, chacun a la réussite, c'est غاية الغاية. Ça doit être l'objectif de chacun de nous. Certains, ils veulent réussir la vie d'ici-bas, et d'autres, ils veulent l'au-delà. Ils espèrent l'au-delà. Lakin, tout le monde veut réussir. Tu ne trouveras jamais une personne qui a la raison, qui est normale. Anahu, il veut être perdant. Abadan, tout le monde veut réussir. Lakin, le problème, c'est l'objectif. Le mu'min, il doit avoir comme objectif la réussite et l'au-delà. Et qu'il allait réussir ici-bas. Qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il le guide, qu'il en paie, il a akhir. قال فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب. قال والهدى الذي هو أشرف الوسائل. هذه الغاية. الغاية c'est le but. L'objectif, pour atteindre cet objectif, il y a un chemin à suivre. مثلا, certains, ils ont comme objectif de devenir des médecins. Un objectif, c'est une غاية. Certains, c'est leur seul objectif. Ils ne pensent pas à l'akhirah, ils pensent qu'à ça. Ha'oula, ils vont faire des efforts. Ils vont suivre un parcours. Ça s'appelle une wasila qui va les emmener jusqu'à cet objectif. Al-mu'min, son objectif, ça doit être le falah, fi d-darayn, il s'ébaille dans l'au-delà. Et al-huda, la guider, suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ashraf al-wasail. قال كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله أي ثبت سورة البقرة والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Vous avez remarqué que Allah سبحانه وتعالى il a cité al-huda, c'est l'iman, c'est le fait de faire salat, donner la zakat, croire en l'invisible, etc. Tout ça, ça va pousser au quoi ? Au but. Dans ce verset, Allah, il a cité l'wasila, le chemin à parcourir en suivant la guidée, et il a cité l'objectif, le but, al-falah, que tu fasses partie de ceux qui ont réussi. قال فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله. Vu que Allah سبحانه وتعالى il a cité الهدى, il a cité الفلاح, avant il a cité l'iman. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخره. فهذا سامونت الذين يؤمنون بالغيب. سامونت ك هذا سيفوندي سور الإيمان. ما celui qui n'a pas la foi, فلا شك il ne sera pas guidé et لا شك il ne réussira pas. C'est pour ça qu'il a cité donc هذا dans les fruits de la foi. أي pour avoir la guidée ou pour suivre la guidée et faire partie de ceux qui ont réussi, il faut forcément baser tout cela sur la foi. قال إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. الهدى أجل الوسائل. Et tout le monde a une wasila. Et tout le monde fait des causes dans certaines choses. Certains, on a cité l'exemple d'être médecin, d'autres c'est devenir sportif professionnel, d'autres c'est ma'adri. Chacun il a une chose et أجل الوسائل c'est celui qui suit la guidée, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Et al-falah, ça sera le but, l'objectif le plus noble. Hey, que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse de toi, que tu fasses partie de al-muflihoun. On est arrivé donc au 12e fruit. Walhamdulillah. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.